Et Gaal, fille d'Ebed, disait, « Qui est Abimelech? Et qu'est Sichem pour que nous servions Abimelech? N'est-il pas fille de Jérubal? Et Zébul n'est-il pas son commissaire? Servez les hommes de Hamor, père de Sichem, mais nous, pourquoi servirions-nous Abimelech? Oh, si j'étais le maître de ce peuple, je renverserais Abimelech. » Et il disait, « Abimelech, renforce ton armée, mets-toi en marche. Amen. » Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Nous récoltons toujours ce que nous sémons lorsque nous faisons un mauvais choix, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les choix du leader, que nous voulons qu'il règne sur nous. Nous allons récolter aussi le méfait de notre choix. Vous voyez, les habitants de Sichem ont choisi pour roi Abimelech. C'est ainsi que Jotham exprime cela sous forme d'apologue. Il parle dans un langage imagé. Il dit que les arbres sont partis pour oindre un roi et les mettre à leur tête. Ils ont demandé d'abord à l'olivier, « Règne sur nous !» Mais l'olivier a refusé. Il n'a pas voulu renoncer à son huile. Et puis ils ont demandé aussi au figuier. Après le figuier, ils ont demandé à la vigne. Vous voyez, l'olivier, le figuier représentent des arbres qui sont productifs. Mais ils finirent par demander au buisson d'épines. Vous voyez, il est dit au verset 14, « Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens-toi, règne sur nous !» Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez réfugiez-vous sous mon ombrage, sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera le cèpe du Liban. » Les buissons d'épines représentent les hommes que nous choisissons, qui ne sont pas dotés de capacités divines, que Dieu lui-même n'a pas choisi, et qui peuvent devenir des problèmes, qui peuvent nous consumer, vous voyez. Faites attention, mon frère, dans le choix que tu fais. Tu risques de choisir un mari qui risque de devenir pour toi un buisson d'épines, un buisson d'épines qui risque de détruire ta vie. Tu risques de choisir une femme qui peut représenter pour toi, qui peut représenter pour toi un buisson d'épines. Et le buisson d'épines va finir par te détruire. Faisons donc attention dans les choix que nous faisons. Les habitants de Sichem n'étaient pas animés d'un esprit de bonne foi et d'intégrité vis-à-vis de Jérubal, vis-à-vis de Gédéon. Et ils ont choisi par un esprit leur choix qui était animé par des considérations ethniques, par des considérations inavouées. Ils ont conduit à choisir Abimelech et ce dernier a tué tous ses frères, c'est-à-dire 70 hommes, les enfants de Gédéon. Ce n'était pas donc de bonne foi, ce n'était pas avec intégrité. Et nous allons voir que cela va créer une confusion parce que le Seigneur va mettre le feu qui va sortir de ce même roi qu'ils vont choisir pour le consumer. Deuxième vérité, nous devons être reconnaissants envers des personnes qui nous ont fait du bien. Mais ici, les habitants de Sichem n'étaient pas reconnaissants. Et ça, Jotham est en train de dévoiler cela. Il est en train de dénoncer cela. Le fait qu'il n'ait pas été reconnaissant. Vous voyez ce qu'il dit au verset 16. « Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimelech? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubal et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? Car mon père a combattu pour vous. Il a exposé sa vie. Il vous a délivré de la main des Madians. » Verset 18. « Et vous, vous vous êtes levé contre la maison de mon père. Vous avez tué ses fils, 70 hommes, sur une même pierre. Et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimelech, fille de sa servante, parce qu'il est votre frère. » Vous voyez le manque de reconnaissance? Nous devons être reconnaissants. Ici, Jotham rappelle le fait que Gédéon, dont l'autre nom c'est Jérubal, il a délivré le peuple. Il leur a fait du bien. Et voici en retour après la mort de Gédéon, comment ils l'ont récompensé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être reconnaissants envers ceux qui nous ont fait du bien, envers même leur famille. Lorsque vous voyez quelqu'un qui vous a fait du bien, même après sa mort. Faisons du bien à ses enfants. Faisons du bien à son épouse. Pensons à sa postérité. Nous sommes dans un monde où les gens sont devenus ingrats. Et ce n'est pas normal de se comporter ainsi. La troisième vérité concerne les attributs divins. Ce passage nous révèle que notre Dieu, il sème la confusion dans les camps de ceux qui agissent contrairement à sa volonté. Il est dit au verset 23, « Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimélec et les habitants de Sichem. Et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimélec. » Vous voyez ce que Dieu fait? Il sème la confusion. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Lorsque les gens font un complot contre toi, ils te combattent. Est-ce que tu sais que ton Dieu là, lui-même va retourner ce qu'ils ont fait? Il va semer la confusion entre eux. Et même vont se combattre parce qu'ils t'ont combattu. C'est ce que Dieu a l'habitude de faire. Les habitants de Sichem ont choisi Abimélec. C'est ce que l'apologue dit, c'est le feu d'épine. Maintenant, vous voyez, pour semer la confusion, Dieu envoie un mauvais esprit, c'est-à-dire un esprit de confusion dans le camp de ses ennemis. La deuxième vérité aussi concernant Dieu, c'est que c'est un Dieu de justice. Il est le Dieu de justice. Il fait justice et il punit toujours les péchés. Quand les gens ont fait du mal, quand les gens ont tué, comme ce fut le cas d'Abimélec, notre Dieu, il punit. Il ne passe pas sous silence le mal, le meurtre. Il est dit au verset 24, « Afin que la violence commise sur les 70 filles de Jérubal reçût son châtiment, et que leur sang retomba sur Abimélec, leur frère, qui les avait tués, et sur les habitants de Sichem, qui l'avaient aidé à tuer ses frères. » Vous voyez, c'est un Dieu de justice. C'est pourquoi nous devons craindre le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Même si la justice humaine ne peut pas identifier ce que nous avons fait, mais la justice divine identifie toujours. Notre Dieu s'appelle Yahvé Tchikenou. Je vais encourager quelqu'un. Tu subis des injustices. Laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui est juste. Il fera lever ta justice comme le soleil à son midi. Oui, tu as commis beaucoup d'injustices au niveau de ton travail, mais recommande ton sort à l'Éternel. Lui-même, il est le Dieu de justice. Il combattra pour toi. Il exercera sa justice contre ceux qui t'ont fait du mal. À lui soit la gloire. Je voudrais que nous puissions le louer, le célébrer par ces cantiques. Oh mon Dieu, je te remercie. Oh mon Dieu, je te remercie. Oh mon Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu, je te remercie. Oh mon Dieu, je te remercie. Oh mon Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te remercie. Oh Seigneur, je te remercie. Oh Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te remercie. Oh Seigneur, oh Seigneur, je te remercie. Oh Seigneur, oh Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Gloire à Dieu, invoquons son nom, bénissons le nom de l'Éternel, glorifions-le, Yahvé Tchikenou, le Dieu de justice, il combat pour nous, élevons nos voix. Te bénissons, Éternel notre Dieu, toi qui veux que nous te soyons reconnaissants pour tous tes bienfaits envers nous. Nous t'élevons et nous te glorifions, toi notre Dieu, notre Sauveur, toi notre justice, toi qui combats pour nous jour après jour. Tu es celui qui veille sur nous. Et nous te bénissons, ô notre Dieu, notre Seigneur, toi qui ne dors ni ne sommeille. Oui, Seigneur, quand nous sommes distraits, toi, tu n'es jamais distrait. Tu es celui qui ne peut être battu. C'est pourquoi nous t'élevons en ce moment. Nous te glorifions. Toi, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui connaît tout, le Dieu qui ne peut être surpris. Nous bénissons ton nom, ô notre Dieu, notre Seigneur. Toi, le seul qui peut nous aider à faire de bons choix. Merci pour le Saint-Esprit de vie qui est capable de nous aider et de nous conduire jour après jour. Sois béni, ô notre Dieu, sois loué, sois magnifié. Toi, notre Seigneur, toi, le seul vrai Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à l'émission OSB, Opération sous la brèche. Notre texte du jour, c'est Juges, chapitre 9, 7 à 29. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Nous venons de voir que nous récoltons toujours ce que nous moissonnons. Si nous faisons un mauvais choix dans un domaine quelconque, nous allons moissonner aussi le mal. Les habitants de Sichem ont choisi Abimelech qui est représenté dans cet apologue comme le feu d'épine. Et nous voyons que ce feu d'épine va le consumer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier pour que Dieu t'aide dans les bons choix. Les choix que tu vas faire, les choix même au niveau des dirigeants, les choix même au niveau de ceux qui doivent te diriger, au niveau de l'église, au niveau de ton département, les choix au niveau du mariage, des conjoints, que le Seigneur t'aide à éviter le feu d'épine qui risque de te consumer. Que Dieu te conduise à faire de bons choix. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération Très excellent Père, je t'aime car tu entends ma voix, tu entends mes supplications. Éternel des armées, je t'aime car tu as penché ton oreille vers moi. Dieu de paix, je t'invoquerai toute ma vie. Je te remercie une fois de plus ce matin, ô Père éternel, de ce que tu veilles sur chacun de nous. Et nous nous tournons vers toi ce matin, nous prions pour demander au Père éternel que tu nous aides dans les différents choix que nous faisons. Nous demandons au Père éternel que tu nous aides dans les choix de nos différents dirigeants, que tu nous aides dans le choix des responsables au niveau de nos différentes communautés. Père, nous mettons notre foi et notre confiance en toi. Et chaque fois que nous voulons prendre une décision, nous nous tournons vers toi. Les choix que nous faisons déterminent notre marche chrétienne. Les choix que nous faisons déterminent l'impact que nous aurons pour l'avancement de ton œuvre. C'est pourquoi nous demandons au Père éternel que chaque fois que nous devons opérer un choix, que tu nous aides, que tu nous guides, que tu nous soutiennes. Aide-nous, ô Père éternel, pour ceux et celles d'entre nous qui ne sont pas mariés dans le choix des conjoints. Aide-nous, ô Père éternel, dans le choix de la carrière professionnelle. Aide-nous, ô Père éternel, dans les choix même des séries que nous allons entreprendre dans nos études. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Ne permets pas à ce que nos choix soient motivés par nos intérêts, par nos gains, mais pour l'avancement de ton œuvre. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir l'importance de la reconnaissance. Nous devons exprimer notre gratitude envers ceux qui nous ont fait du bien et envers leurs familles. Ne faisons pas comme les habitants de Sichem. Ils ont oublié Gédéon qui les a délivrés. Ils ont choisi quelqu'un qui a tué la maison de Gédéon. Il a tué 70 filles de Gédéon. Bien-aimés, prions pour que Dieu nous libère de cet esprit d'irreconnaissance, de cet esprit d'ingratitude au nom de Jésus-Christ. Nous venons devant toi ce matin pour te dire merci pour ta parole. Merci parce que tu nous révèles les secrets du bonheur, les secrets de la réussite, les secrets, ô Dieu, de la sanctification, gloire, honneur, puissance, élévation à toi, la reconnaissance envers l'Éternel qui nous donne le souffle de vie, qui nous donne le travail, qui nous donne une épouse, qui nous donne un époux, des enfants, qui nous permettent d'être en bonne santé, d'avoir des frères et des sœurs. La reconnaissance, combien de fois, même les oiseaux, même toute la nature est reconnaissante avec Dieu. Nous qui sommes créés à l'image de Dieu, nous devons être reconnaissants dans nos familles, partout en famille, ô Seigneur, individuellement, en communauté. Nous prions que tu cultives, que cet esprit soit cultivé, soit instauré dans nos vies, à être reconnaissant envers notre Créateur, celui qui nous donne le souffle de vie. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous venons de voir que notre Dieu, c'est un Dieu qui sème la confusion dans le camp de ses ennemis. Il est aussi le Dieu de justice. Tu vas prier le Seigneur. Peut-être que tu subis des injustices dans un domaine ou dans un autre. Tu vas te recommander entre les mains du Seigneur. Parce que nous savons, nous voyons comment Dieu lui-même s'occupe de ses ennemis. Que Dieu te rende justice. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Seigneur, notre Dieu et notre Père, tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu de bonté. Tu es le Dieu de bienveillance. La Bible dit, ta justice est comme des montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Seigneur, les hommes parmi nous, nous sommes la plupart injustes dans nos verdicts, injustes dans les partages, injustes dans l'église, injustes dans les familles, dans les foyers, entre les enfants. Nous mettons, nous-mêmes, nous créons l'injustice. Nous te demandons pardon, aide-nous, fais-nous sortir de cette œuvre malsaine, diabolique. Merci Saint-Esprit de Dieu de nous conduire, d'être des enfants de lumière, des enfants de justice. Et que tous ceux qui sont injustement, ô Dieu, embrigadés, qu'ils sortent au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qu'on a volés, qu'on a pris une quelconque chose dont ils avaient droit, Seigneur, je proclame maintenant que la délivrance soit en ce jour. Que ces femmes qui ont perdu leur bien à cause de la perte de leur mari, qu'elles retrouvent leur bien, qu'elles retrouvent leur argent, qu'elles retrouvent leur terrain, que ces femmes les retrouvent. Merci de visiter quelqu'un, le Dieu de justice. Merci d'opérer un miracle au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSP. Nous rappelons que nous allons poursuivre notre thème sur comment triompher par la foi dans notre rencontre bonheur conjugal qui aura lieu le dimanche prochain. L'entrée est libre, c'est toujours à 17h à la salle climatisée du CPE. C'était OSB, au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.